de la vie qui nous mène, on ne sait rien. De la vie qui nous tient, on ne sait rien. De la vie qui nous mène, on ne sait rien. De la vie qui nous tient. On peut penser, on peut chanter, on peut dormir, on peut vieillir. On peut apprendre, on peut comprendre et repartir. On peut danser parce qu'elle est belle, on peut mourir parce qu'elle est belle. On ne la fera jamais souffrir, même loin d'elle. Mais l'on ne sait rien de la vie qui nous mène, mais l'on ne sait rien de la vie qui nous tient. Mais l'on ne sait rien de la vie qui nous mène, mais l'on ne sait rien de la vie qui nous tient. On pourra vivre qu'au jour le jour, puisque demain n'est pas ce jour, puisque demain n'est pas toujours la même histoire. On n'aura qu'à faire le bien et recevoir le sien, lui offrir de nos mains tout notre cœur. On n'aura qu'à faire le bien et protéger les siens pour nous ouvrir les chemins du bonheur. Mais l'on ne sait rien de la vie qui nous mène, mais l'on ne sait rien de la vie qui nous tient. Mais l'on ne sait rien de la vie qui nous mène, mais l'on ne sait rien de la vie qui nous tient. On ira jusqu'au bout du jour pour chanter notre amour, partager des discours en toutes les langues. Et l'on fêtera la connaissance de nos deux âmes en quintessence, de nos deux vies qui se rassemblent pour un moment. Et l'on fêtera cette fusion en restant loin des cons, en évitant les sons des malhonnêtes. Mais l'on ne sait rien de la vie qui nous mène, mais l'on ne sait rien de la vie qui nous tient. Mais l'on ne sait rien de la vie qui nous mène, mais l'on ne sait rien de la vie qui nous